Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Est-ce que vous savez ce qui se passe ce soir? Alors, il va y avoir des gens qui jouent là. C'est pour panique, là. La radio panique, je crois. Ah, d'accord. Ok. C'est un anniversaire. C'est un anniversaire? Je crois. Oui. Ah oui? Ici au Cinéma Palace? Eh ben, ici, puis là-bas aussi. Là-bas? Là-bas. Ici, là-bas. Ici, là-bas. Partout, finalement? Partout, au final, ouais. Un anniversaire, c'est... Bah c'est ça, regarde, il y a des ballons là, en fait, à tous les endroits où il y a des ballons, je pense que c'est en fait l'anniversaire. Ah d'accord, ah, ouais. Eh ben, je savais pas. On me met un casque sur les oreilles, c'est particulier. Ah oui, mais maintenant j'entends ma voix dans le casque. Ah, ouais. Parlez un petit peu. Ah oui, bah, pour faire le son de la voix, comme ça. Ah oui, bah vous avez une belle voix, c'est ça la radio alors, C'est voix dans les oreilles. Je vais rentrer, hein. Ah bah ouais, moi aussi j'y vais, je fume une cigarette et... Ah, vous y allez aussi, vous? Ah ouais. Ah bah alors, on se voit là, moi je suis très curieux là. Allez, j'y vais. Ça alors. Pardon, excusez-moi. Ah oui. Tiens, donc c'est un cinéma. Je vais prendre l'escalier. Très très particulier ce qui m'arrive ce soir. Là, je me balade dans Bruxelles et puis je m'arrête devant un cinéma. Et puis on me dit que c'est un anniversaire, on me met un casque. Et là je rentre. Je rentre dans le Cinéma Palace, là je continue mon ascension. C'est très étrange, hein, je n'ai pas l'habitude de m'entendre finalement. Et donc me voilà tout en haut. Tiens. Alors là, j'ose pas parler trop fort parce que... J'ai l'impression que ma voix est amplifiée, du coup. Et j'aurais peur de déranger. Hein. Je suis tout en haut. Apparemment, c'est le foyer du Cinéma Palace. Bonsoir. Bonsoir. Vous aussi, vous êtes là, alors? Oui, comme vous. Comment vous... Parce que j'ai l'impression qu'on nous écoute. Comment vous décririez l'endroit où nous sommes, finalement? Alors, c'est un endroit très beau. On est dans une ambiance tamisée. Il y a des colonnes. La salle n'est pas très grande, il y a un balcon. Et alors, sur les colonnes, il y a des visages avec des yeux fermés. Peut-être que c'est pour mieux entendre. Ah oui. Et puis il y a un escalier là au bout. Est-ce que vous voulez qu'on le prenne? Bah oui. On peut monter? Allons-y. Ah, il y a du monde. Oui. Et puis il y a des gens assis là. C'est impressionnant. On est tous avec nos casques. Bonsoir. Bonsoir. Je vois que vous êtes assise là. Je suis un peu curieux. Qui êtes-vous? Je m'appelle Katia Maury-Evrard, je suis donc médium et je suis là pour votre émission. Vous êtes médium? Tout à fait. Qu'est-ce qui vous inspire ce lieu? Alors c'est un lieu qui est très beau, très magique, fort chargé dans les fondations. Donc on sent de fortes vibrations et très agréable néanmoins, voilà. Vous êtes bien là? Parfaitement bien. D'accord, ça me rassure. Voilà, on continue. Il y a du monde, en fait. Il y a du monde. Alors, si c'est un anniversaire, j'imagine que... J'imagine qu'on va faire la fête. Ah, il y a même des enfants. Mais bonsoir. Bonsoir. Mais tu t'appelles comment? Alex. Ça va? Oui. Est-ce que toi, t'as envie de faire la fête un peu ce soir? Oui. On va faire la fête? Oui, parce que nous, on est là pour les 35 ans de panique et les 10 ans de Sainte-Anne. On va vous expliquer ce que c'est. Nous, pour faire la fête, on vous propose... on a juste un paquet de chips, donc... Il y en aura juste une par personne, je crois. Est-ce qu'on peut se... On peut se faire passer peut-être le... Je vous propose de... On partage alors, c'est oui, ça? Parce qu'on ne pensait pas qu'il y aurait autant de monde. On pensait qu'un paquet de chips, ça aurait suffi. Mais nous, ce qu'on voulait, c'est célébrer. Et alors, on est au Cinéma Palace avec... Avec Étienne. Juliette. Guillaume. Et Anna. Et effectivement, on a envie de célébrer les 10 ans de Sainte-Anne. Et pour le faire, on a besoin de vous. On a pensé en fait que chacun de nous propose un pas de danse pour célébrer Sainte-Anne. Moi, je commence. Bras à nous et mains qui se ferment et s'ouvrent comme des étoiles clignotantes. Même chez toi, même dans ta voiture, tu le fais. Voilà. Et si vous bougez un peu les hanches, c'est toujours plus beau. Voilà, comme ça. Dansez avec nous. Viva Sainte-Anne. Alors moi j'ai pensé à un autre pas de danse aussi, puisqu'on a tous des casques sans fil, on peut tourner sur soi-même. Dans un sens et dans l'autre. Et puis après ça, et ben on peut mettre une main derrière une oreille et on tire du côté de la main, une main derrière l'autre oreille et on tire de l'autre côté et on fait ça. On peut le faire chez soi, il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque. Même dans la voiture, aucun risque. Alors moi je propose quelque chose de plus compliqué parce que c'est de la synchronicité. Hein. Donc il faut qu'on tape dans ses mains comme ça, au-dessus de sa tête. Ah, un clap, allez. Et en même temps, son pied. Hein, on lève son pied en même temps. Ah, sur le côté. Wouh sur le côté. Radio Panique a 35 ans. 35, c'est sexy. La revue Sainte-Anne a 10 ans. C'est tout mignon. 35 x 10, 300. Mais non, 35 x 10 x 300, donc 350. C'est pas 350? C'est trop. Ça fait 900, ça fait 1050. X 10, ça fait 105 000. Aujourd'hui, une histoire... Du futur, de la radio. C'est exagéré. Êtes-vous prêt? Toujours. Êtes-vous prête? Toujours. Prenez-vous par la main. Non, je déconne, ça va. Ça va être génial. Et alors, c'est quoi Sainte-Anne? Est-ce que quelqu'un pourrait nous expliquer? Moi, j'ai une petite idée. En fait. Sainte-Anne, c'est un site internet. Une revue papier. Une revue papier, voilà, qui parle de son, de radio, de création radiophonique. Et ça fait 10 ans qu'on fait ce petit travail-là. Et puis là, on est en même temps très heureux d'être avec Radio Panique, parce que 35 ans, Radio Panique. Et en même temps, on est venu aussi avec la CSR... Combien la CSR? La CSR, eh ben, écoute, ouais, la CSR, en fait, mais... quand Sainte-Anne est née, la CSR avait déjà 12 ans. Et Radio Panique avait 25 ans. Donc 25 on avait déjà des copines, en fait, à la naissance, et on les a gardées. D'accord. Oui, bah. Je crois qu'il y a même sûrement un lien entre tout ça et sûrement des filiations, peut-être, je ne sais pas, en tout cas, du cousinage. Des affinités hertziennes. Oui, des ondes. On en reparlera tout à l'heure. Oui, parce qu'on va parler... Un peu du passé, mais aussi beaucoup du futur. Allô? Allô, bonjour. Je parle avec... Allô, bonjour. Vous m'entendez? Bonjour. Oui, bonjour. En fait, je vous appelle car j'ai vu que vous êtes voyante. En fait, j'aurais à vous poser des questions pour éventuellement faire une séance avec vous. Je voulais savoir un peu quel type de travail vous faites. Je ne travaille pas maintenant. Bonjour. Bonjour. En fait, je vous appelle pour des informations. J'ai trouvé votre numéro de téléphone sur Internet car je cherche des voyants. Il y a plusieurs voyants. Chaque voyant utilise soit le tarot de Marseille, soit le petit Normand, ou j'ai certaines voyantes qui sont également, comment dirais-je, médium. Vous voyez, donc en général, c'est plus la numérologie, c'est plus la voyance, les tarots et la médiumnité. Et après une longue recherche, nous voici avec deux invités d'exception, Perline Desanges et Katia Maury-Evrard. Un applaudissement. Voilà. Et en fait, avant, nous sommes ici avec elles pour interroger le futur des Saint-Aunes, mais aussi le futur de la radio. Mais avant de rentrer dans notre sujet, moi j'aimerais bien que vous vous présentiez et peut-être nous raconter comment vous avez découvert ces dons et quelles techniques vous employez. Bonsoir, je m'appelle Perline Desanges, je suis médium, donc je le contacte avec l'au-delà. Je suis tarologue, cartomancienne, énergéticienne et géobiologue. Merci beaucoup Perline. Et Katia? Voilà, moi je m'appelle Katia, je suis médium, j'ai découvert cela dans mon enfance, puis je fais une petite pause là-dessus, et donc j'ai une connexion spéciale avec toutes sortes de dimensions qui me permettent d'obtenir des informations. Donc alors encore une fois, merci pour être avec nous ce soir, et rentrons dans les vifs de notre sujet, les futurs des Saint-Aunes pour commencer. Perline, est-ce que vous pourriez nous dire quelque chose ou... Je vais employer les coquilles, les coquillages. Je peux vous dire que ça va aller très très loin, que ça va dépasser les frontières et que c'est du positif. Donc encore beaucoup beaucoup de succès et de plus en plus d'auditeurs. Donc qu'est-ce que vous voyez en fait? Ici, ça va passer outre-Atlantique, donc ça ira dans un pays, dans les pays d'Amérique latine, d'Amérique du Sud. Et aussi, je tiens à vous dire que Saint-Aunes est né le 23 décembre d'il y a 10 ans. Donc, est-ce que ces chiffres vous ressemblent quelque part ? Oui, en numérologie, puisque je fais la numérologie, c'est un chiffre 7, c'est le chiffre sacré en Asie, donc c'est beaucoup de succès, beaucoup de joie, et c'est un très très bon chiffre. Et Katia, par rapport au format des Saint-Aunes, parce qu'on vient d'entendre Étienne et Juliette, Saint-Aunes, c'est une review en papier et est présente aussi sur Internet. Est-ce qu'il y aura d'autres formes ? Est-ce qu'il y aura d'autres défis ? Qu'est-ce que sera la géographie des Saint-Aunes dans le futur ? Moi, je suis d'accord avec Perline. Je vois aussi l'Amérique du Sud, donc pas mal. Et puis aussi un développement vers l'Asie. Et pour moi, il faut combiner plusieurs langues, c'est-à-dire qu'il y aura aussi, par exemple, le chinois. Et ça permettra d'internationaliser votre revue et de permettre aussi à des reporters sur place de communiquer avec vous et de faire un bel échange. Donc plus de voyages, plus de langues. Plus une extension des Saint-Aunes. Merci pour l'instant, nous allons retourner vers vous avec d'autres questions tantôt. Chères auditrices, chers auditeurs, nous vous avons promis pour ce double anniversaire le passé, le présent et le futur de la radio, le tout en une seule heure étincelante et fantasmatique. Fantasmatique, oui, car pour le plaisir et l'édification de vos oreilles, nous avons utilisé les moyens les plus grands de l'atelier de création sonore et radiophonique pour faire fonctionner enfin le nécrophone de Monsieur Thomas Edison. Après plus d'un siècle, nous réalisons le rêve de l'illustre inventeur, parler avec les morts et les mortes. Comment ? C'est très simple. Monsieur Edison avait constaté que les êtres humains étaient composés de millions d'unités de vie infinitésimales. Ainsi, lorsque quelqu'un mourait, les unités de vie qui le composaient se dispersaient dans l'éther pour aller bientôt reformer un nouvel essaim sous la forme d'un nouvel être vivant. Le nécrophone, tel un laser supersonique, visait à intercepter les dernières paroles des unités de vie venant tout juste de se disperser. Nous avons réussi, dans sa reconstitution, à lui faire capter bien plus que les dernières paroles. Nous sommes véritablement entrer en dialogue avec d'éminents défunts. Deux d'entre eux ont accepté d'intervenir ce soir en direct du passé, ce dont nous les remercions très chaleureusement. Bravo, bravo. Je précise au public qu'en raison même de la constitution particulièrement volatile et éphémère des unités de vie, le nécrophone ne nous donne souvent accès qu'à des paroles brèves. Il convient donc de tendre l'oreille, car nos invités se montreront souvent, bien malgré eux, très elliptiques. Ces précautions étant prises, commençons. Édouard Léon Scott de Martinville, bonjour, est-ce que vous me recevez ? Ah, je vois que vous êtes joueur, je précise au public que M. Scott de Martinville nous donne à entendre en guise de confirmation l'un des tout premiers sons fixés, celui d'un diapason en 1859. Alors, Édouard Léon, vous êtes précisément considéré avec votre phonautographe comme l'inventeur de l'enregistrement sonore. Que pensez-vous de cette place que l'histoire vous a conférée ? Oui, Édouard Léon. Édouard Léon, pardon, j'entends la solennité de votre réponse qui doit être passionnante, mais je me permets de vous couper car la liaison pêche un peu. Je vois qu'on s'active en technique. Est-ce que c'est bon? Oui, on me fait signe de retenter. Alors, Édouard Léon, Scott de Martinville, en 1859, la radio était encore loin d'exister, si bien que nous pourrions dire qu'en quelque sorte, vous avez inventé le podcast avant la radio. Une découverte passionnante qui ne va pas aider à apaiser le débat actuel entre les deux parties et qui risque fort... Édouard Léon, oui, je vois que cela vous met d'humeur fort joyeuse, mais disons pour dépasser un petit peu les querelles de chapelle, un petit peu qui finissent par lasser un petit peu en réalité, est-ce que vous pourriez peut-être nous indiquer... Ok, alors je crois que nous avons complètement perdu Monsieur Scott de Martinville. Est-ce qu'on peut faire quelque chose en technique? On va essayer de refaire fonctionner. Peut-être Thibault, voir si quelqu'un ici dans l'Assemblée si voudrait nous parler à propos de cette possibilité ou pas de... Monsieur? Parler aux morts. Si vous pouviez parler aux morts ou à un mort, à qui vous parleriez? Je ne sais pas. Vous ne savez pas? Vous savez? Non. Pas d'idée? Elvis. Elvis? Oui. Pourquoi? Parce que c'est le roi. Le king? Le king. Est-ce que vous en profiteriez pour lui demander peut-être de vous faire un live, de chanter rien pour vous? Exactement. Quelle chanson? Je ne sais pas. Vous souhaiteriez l'entendre ou le voir aussi? Les deux. Ouais. Qu'il apparaisse comme ça? Oui. Ah, j'entends que le nécrophone a l'air de remercier, c'est bien ça. Alors nous allons maintenant prendre la communication avec notre deuxième invité de prestige en direct du passé. J'ai nommé Maurice Vinault, plus connu sous son nom d'auteur, Gabriel Germinet, et qui fut pour la radio en France à l'origine vraiment de beaucoup de choses. Une infinité de choses dans le domaine de la radio et surtout dans le radiothéâtre. Vous m'ôtez les mots de la bouche, Gabriel. Je dois préciser aux auditrices et auditeurs de 2018 que le nécrophone étant toujours en version bêta, vous avez une voix aiguë à certains moments, grave à d'autres, rapide ou lente selon les moments, mais l'essentiel reste bien de pouvoir dialoguer avec vous si vous en êtes d'accord. Volontiers. Très bien, je vous remercie. Alors, vous avez mis en place la première station française, Radiola, en 1922. Il fallait tout inventer. Par quoi avez-vous commencé? J'ai organisé le journal parlé à partir des principes que j'avais élaborés. Et puis, là-dessus, est venu se greffer des programmes de musique, des programmes culturels même, assez poussés. Assez poussés, c'est-à-dire? À l'origine, n'est-ce pas, je voyais les possibilités grandioses de la radio et j'avais eu l'idée de saisir les différents ministères des possibilités d'extension de la radio sur le plan journalistique. Oui, et plus que journalistique, parce qu'en 1924, tout juste 2 ans plus tard, vous créez avec Pierre Cusy la première fiction française connue, Marémoto. Qui est considérée comme une œuvre de base, n'est-ce pas? Et qui a été primée par plusieurs concours de littérature radiophonique. Oui, notamment par l'Impartial français pour ses qualités radiogéniques, comme on disait à votre époque, et pour le réalisme de ses décors de bruit. Pouvez-vous résumer en quelques mots cette œuvre de base pour les oreilles du XXIe siècle? Il s'agit d'un bateau qui, surpris par la tempête, est en train de sombrer. Les opérateurs radio de bord lancent leurs appels par micro. Ils sont entendus par les auditeurs qui croient à un vrai naufrage et participent directement au drame. Bah, écoutons donc un bref extrait, si vous le voulez bien, de cette pièce qui dure au total une dizaine de minutes. Allô? Allô, allô? Ici Pacoville de Saint-Martin. En détresse par 23 degrés 15 minutes 35 secondes de longitude nord et 14 degrés 35 minutes 40 secondes de latitude est. Au chronomètre du bord, il est exactement 20 heures 3 minutes 35 secondes. Une voie d'eau à bas bord. Nous demandons du secours de toute urgence. Avertissez le port le plus proche. Nous ne sommes pas loin. Alors Alors cette pièce est demeurée dans l'histoire non seulement comme une fiction pionnière, donc un extrait de Marimoto à l'instant, mais Gabriel Germinet comme le premier scandale radiophonique. Pourquoi cela ? Parce que les répétitions donnèrent lieu à de vives réactions parmi les auditeurs fortuits au cours d'une répétition sur l'antenne. Ils crurent à un drame maritime réel. L'émission fut donc interdite par le ministère de la Marine. Je dois ajouter toutefois que les professionnels ne pouvaient s'y tromper, puisque le point que donnait le navire en perdition le situait en plein Sahara, et qu'à l'époque, les bâtiments ne transmettaient que du morse. Élémentaire, mon cher Watson. Reste que les deux choses, qu'on ait pu croire d'abord au naufrage et qu'on ait pu interdire ensuite la diffusion, peuvent paraître surprenantes aujourd'hui. Songez que nous faisions nos premiers pas à la radio et que tous les auditeurs, eux aussi, étaient des débutants. Mais ce n'était pas quand même complètement le cas partout. On peut dire que de nombreux autres pays se montrèrent un peu plus téméraires que la France. Après avoir été interdite en France, ma pièce fut traduite en anglais et diffusée en 1927 par la BBC. Puis elle fut traduite en 7 autres langues, dont le japonais, et fit ainsi son tour du monde. Ce ne fut que le 25 avril 1937, c'est-à-dire 13 ans après, que notre regretté Georges Collin la mit en onde à Radio Paris, avec accompagnement de musique afin d'éviter toute méprise. Je comprends. Et en revanche, de votre côté, vous avez reconduit quelques mois à peine après l'interdiction initiale, donc en 1924, ce type de docufiction avant l'heure avec le vrai faux suicide d'un acteur à l'antenne. Alors pourquoi ce choix réitéré d'œuvre à un tantinet spectaculaire, disons ? J'estimais que le radiodrame, devant d'abord utiliser des sujets simples, pour passer de proche en proche au complexe. Oui, d'ailleurs, ça rejoint à l'observation que vous faites dans un ouvrage que vous avez coécrit avec Pierre Cusy, toujours, et qui est paru en 1926, « Théâtre radiophonique, nouveau mode d'expression artistique ». Je vous cite « L'auditeur n'est accessible radiophoniquement qu'aux sensations simples mais fortes. Un sujet créant des sensations extrêmes mais très dramatiques ou très gaies sera donc plus compréhensible que tout autre dans l'état actuel de la radiophonie. Et nous insistons sur ce point dans le pouvoir actuel de perceptivité des auditeurs. » C'est exactement ça. Il semblerait alors qu'une partie de la production sonore du XXIe siècle considère que la perceptibilité des auditrices et auditeurs, ou celle des personnes qui financent la création, n'a pas évolué depuis les 100 dernières années. Je dois vous faire remarquer néanmoins que, rétrospectivement, le plaisir de découvrir la première fiction française est un peu gâché par l'irruption en son milieu d'une insulte raciste et sexiste, la cuisinière noire du navire se trouvant réduite à une fonction de porte-malheur tout à fait détestable. Mais oui, mais je... Certes, le féminisme intersectionnel n'avait pas encore eu l'opportunité de mettre les points sur les i en 1924, mais vous n'avez pas fait preuve dans ce domaine d'une grande clairvoyance. Bon, mais nous connaissons de vous essentiellement deux pièces radiophoniques et un livre, mais ensuite, à compter des années 1930, vous semblez disparaître des annales sonores. Comment cela se fait-il ? Je ne me suis plus occupé de radio. Ah oui, carrément. Mais pourquoi donc, après des débuts si grandioses ? J'aurais aimé reprendre des activités radio, mais avec l'assurance d'une situation stable, à mon regret, et aussi un monsieur Georges Mandel, qui dirigeait alors les destinées de la radiodiffusion française, ne put me proposer qu'un contrat d'une année, ce qui, pour moi, était inacceptable. Ah, je vois que s'il y a bien une continuité dans l'histoire de la radio française, c'est la précarité de ses artisans et artisanes. D'ailleurs, par simple curiosité, comment avez-vous réagi, pour conclure, depuis vos limbes, à la diminution drastique des créneaux de création radiophonique sur France Culture en 2018 et à la mise à la retraite forcée d'Irène Omelianenko ? Beaucoup d'entre ceux de la première heure se demandèrent qui fut le mauvais génie auteur de la suppression de cette émission, dont le privilège était de mettre en valeur la contribution de la France au plan de la radiodramaturgie. Ceci dit, à l'attention des historiographes de la radio. Le message sera transmis, monsieur Germinet. Ne vous inquiétez pas et nous espérons que les radios associatives continueront à sauver l'honneur. Merci, monsieur Germinet, infiniment pour vos observations. Merci, Juliette, pour cet entretien en direct du passé. On revient ici au Cinéma Palace en direct sur Radio Panique avec les voyantes, médium, Perline des Anges et Katia Maury. Et en fait, tout à l'heure, on parlait du futur des Santons. Maintenant, on va un peu plus rentrer dans les sujets du futur de la radio. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec la FM, avec l'arrivée, la mise en place de la radio numérique terrestre? Vous avez tiré les cartes, déjà. Oui. Perline. Donc, une continuité avec beaucoup d'améliorations, beaucoup de changements, mais du positif pour moi. Donc, une grande avancée, un grand pas. Donc, ça, c'est un grand pas, mais avec la FM, Katia, qu'est-ce qu'emploi on peut envisager? Ben, je pense qu'il est important, c'est pas de faire la transition trop vite, de tout annuler. Et ça permet également, pour moi en tout cas, je pense, en tant que médium, de communiquer peut-être avec l'au-delà et de permettre aux particuliers de s'approprier ces ondes-là. Pourquoi vous dites ça? Parce que je sais qu'en tout cas, moi, ce que j'entends sont des communications avec l'au-delà, mais de très faible intensité, que le bruit ambiant en noie. Et donc, ça serait peut-être un super moyen pour que les particuliers s'approprient ces ondes-là qui sont libérées par les professionnels. Donc, d'ici, on dit longue vie à la FM, peut-être pour des emplois complètement nouveaux et innovants. Et je repasse la parole. À qui? À Marinetti. On aura entendu peut-être ici beaucoup d'extraits d'archives, on entend une voix, celle de Marinetti, parce que ce qui nous reste des débuts de la radio, en plus des rares enregistrements, c'est surtout des écrits. Et même avant que la radio ne s'installe vraiment, on découvre des premiers écrits, notamment chez les futuristes italiens, mais aussi chez les futuristes russes. Oui, je crois que le premier manifeste, c'est celui de Velimir Klebnikov, en 1921, et ça s'appelait le futur de la radio. Ouais. Et la radio, chez ces futuristes russes comme chez les futuristes italiens, est vue non pas comme ce qu'on fait maintenant aujourd'hui, mais comme une transmission générale, comme la possibilité de la synchronicité, comme la réduction de l'espace, du temps. C'est vu comme quelque chose qui pourra, à terme, non pas faire voyager seulement le son, mais aussi les images, peut-être les odeurs, les goûts. Ils imaginent une sorte de bibliothèque universelle. On sent peut-être plus fortement encore chez les futuristes italiens une volonté d'utiliser cet outil pour faire table rase du passé, détruire la tradition et recommencer complètement à zéro. Mais parallèlement à ça, presque au même moment, il y a aussi d'autres gens qui, eux, ne voient pas la radio comme un tuyau dans lequel toute chose pourrait passer, comme juste un moyen de communication, mais aussi comme l'émergence en fait, du son. Et je pense particulièrement à Paul Deharme en France, qui va faire des propositions pour un art radiophonique. Il écrit un livre en 1930. Ce livre est en rupture d'édition et puis vous pouvez le trouver. Il est là. Il est là dans le coin. Il est là dans le coin. De la coursive. Et lui, il parle d'art phonique. Et il se dit, le fait de ne pas avoir d'image, finalement, c'est ce qui... C'est pas un manque, c'est un plus, parce qu'on va pouvoir... susciter des images, on va pouvoir faire rêver les gens. Et il essaye, c'est l'arrivée aussi de la psychanalyse en France à l'époque, il essaye d'utiliser cette émergence de la psychanalyse pour tenter le rêve éveillé. Donc je vous propose maintenant qu'on tente ensemble le rêve éveillé. Alors comment il proposait ça? Tout est un peu copié sur le rêve, donc il faut être disponible, il ne faut pas que ça dure trop longtemps non plus. Il dit, voilà, un voyage... Sonic, comme ça doit durer 20 minutes maximum, comme un rêve. Donc je vais demander à une voix de m'aider à vous mettre en condition. Sarah ? Oui, je suis là. Peux-tu préparer l'écoute, s'il te plaît ? Alors, installez-vous confortablement, réglez votre volume sonore, que vous soyez ici au Cinéma Palace, ou en voiture, ou chez vous. Fermez peut-être les yeux, sauf si vous êtes en voiture, évidemment. Détendez-vous, ouvrez les oreilles et laissez-vous porter par le rêve. Ce que propose Deharme, ce sont des silhouettes à compléter et un tête-à-tête avec le son. Tu pars ou bien tu rentres chez toi. Autour de toi, des visages inconnus, mais qui te semblent familiers. Tu as chaud. Tu te sens bien. Tu arrives au cœur d'une ville. Une femme que tu suis. Vos pas glissent jusqu'à un jardin. Vous vous dites des choses que vous ne vous êtes jamais dit. Vuoi tornare nel mondo brutale? Ti apro il cancello? Hai la chiave? O vuoi restare un altro po' con noi? Questo è il cigolio che ci dice che qualcuno è venuto. On sort du jardin, tu sors du jardin, tu voyages ou tu rentres chez toi. Tu es soudain inquiet. Mais lentement, tu te réveilles. Et tu te retrouves parmi les tiens. Est-ce que toi aussi pense à moi. Ça a marché pour vous? Je me suis laissé transporter. Ouais. Ça. Vous avez vu les images apparaître là, ce truc de manifeste. Vous êtes rentré dedans, ouais. Un peu, ouais. Alors, je vois que vous êtes vraiment encore dedans, vous. Hein. Ouais, dedans ou dehors, en fait. Je suis un peu endormi, je crois. Ouais, c'était pas... Ah si, c'était très bien, mais ça m'a porté dans mes propres rêves, quoi. On avait le droit, non? On pouvait faire ça, ouais. Être dans ses propres rêves. Oui, c'est autorisé. C'était le but de deux armes, que chacun construise son rêve. Mais après, il faut aussi se permettre de dire que ça n'a pas marché, parce qu'on est dans la même pièce. Moi, j'ai pas. Je crois que j'étais un peu. Voilà, je suis pas rentré dedans, moi. Mais je réessayerai peut-être une autre fois, peut-être quand il y aura moins de monde. Une pièce plus longue, peut-être. Et puis c'était un peu poétique. Enfin, je sais pas. Peut-être. Voilà. À refaire, peut-être. À retester. On continue? On continue. Puisqu'on parle de textes manifestes, moi j'en ai un, beaucoup plus récent, 1996. C'est un futur beaucoup plus récent. Et d'abord, il faut en retracer un peu le contexte. En 1996, en Belgique, il y a des gens qui se sont mis ensemble, c'est des gens qui venaient du monde de la radio, puis qui ont fondé une association afin, je cite... de développer un espace de réflexion et de résistance à la diminution alarmante de la création dans les instituts de radiodiffusion en Belgique francophone. Alors cette ASBL, qui sera nommée... L'Atelier de création sonore et radiophonique, ACSR. Donc un patronyme inspiré d'une émission de radio française de l'époque, qui avait la réputation d'être un laboratoire d'invention du langage radiophonique. Mais alors 5 années plus tard, en 2001, alors que l'ACSR s'est surtout orientée vers la promotion de la création radiophonique et vers la production individuelle de documentaires, de fictions, etc., on a entendu... parmi ses membres, des voix s'élevaient pour réclamer que l'atelier mérite vraiment son nom d'atelier et qu'il devienne donc un vrai laboratoire, un lieu d'expérimentation collective. Un espace de liberté par rapport aux contraintes de la production et de la diffusion. Et parmi l'une de ces voix, il y en a une, c'est celle de Marcel Auffler, qui sera la plume et le fer de lance de ce qui, lui, n'a pas appelé un manifeste, mais qui reste un texte fondateur qui peut encore nous donner matière à réflexion et à inspiration. Ce texte, il s'appelle... Et si l'atelier devenait atelier ? Et nous allons en lire quelques extraits choisis. L'atelier radio devrait être... Un espace collectif où ce sont les intervalles, ce qui se passe, ce qui peut se passer, ou ce qui ne se passe pas entre deux et plusieurs maillons de la chaîne qui devient un objet de souci et de recherche. Un espace où la confrontation entre envie, volonté subjective d'une part, expérimentations et opérations matérielles d'autre part, est permanente, afin que l'œuvre émerge pour ainsi dire d'elle-même comme nécessaire, donc réellement innovatrice. Un espace forcément interdisciplinaire. Artistes, philosophes, poètes, écrivains, compositeurs, musiciens, comédiens, réalisateurs, metteurs en ondes, ingénieurs du son, programmateurs, animateurs, auditeurs, tous admis. Et puis, pour finir, ce commentaire. Le temps et le lieu d'un atelier radio ressemblent quelque part à l'atelier d'un peintre. On y trouve et expérimente beaucoup de choses qui, à première vue, ne servent à rien. Et pourtant... Et pourtant. Alors, au lieu de véritablement transformer l'atelier avec un grand A en atelier avec un petit A, l'intention de Marcel Auffler va se réaliser, tout de même, à travers la naissance d'un atelier dans l'atelier qui prit le nom de... Module expérimental. Donc, ce module expérimental qui fut animé par Marcel et ses complices d'alors, Dimitri Kopp et Hervic d'Olivier, va faire se rencontrer et jouer et créer ensemble les indisciplinaires suscités, toutes prêtes et prêts à inverser les rôles, à essayer les outils des autres. Et tout cela va donner naissance à plusieurs stages de création collective, à beaucoup de rires, beaucoup de prises de risques tout de même, et des choses assez improbables, comme par exemple un labyrinthe pour preneurs de son aveugles et auteurs hurleurs. Alors Marcel Auffler n'avait pas la prétention de s'ériger en spécialiste de la création sonore, encore moins en formateur. Et il avait pourtant quasiment tout appris du geste radiophonique sur le tas, en créant carrément une station de radio. Enfin, pas tout seul, bien sûr. Et cette station de radio, vous la connaissez. On fête ses 35 ans aujourd'hui. Bon anniversaire. Radio Panique. L'histoire de Radio Panique, Marcel Auffler l'a racontée dans « Comme un avion sans ailes », un documentaire fleuve en 26 épisodes. De plus de 20 heures au total. Ce documentaire, dont l'idée est née au moment du 10e anniversaire de Radio Panique, verra son achèvement 10 ans plus tard, au 20e anniversaire de la radio. Et pour le 30e, en 2013, Marcel était au micro de Panique. Bonsoir Marcel Auffler. Bonsoir Jean-Yves. Comment ça va ? Mais ça va. Alors on est bien content de vous avoir sur antenne ce soir et on va vous poser 2-3 petites questions sur l'histoire de notre bien-aimée radio. Oui, mais tout d'abord je voudrais rendre hommage, féliciter Radio Panique et toutes les équipes qui se sont succédées et l'équipe actuelle pour ce 30e anniversaire auquel... Je n'aurais jamais songé au moment où nous avons commencé la radio. Donc bravo et j'espère encore plein d'avenir et plein de recherches, de découvertes à l'équipe et aux auditeurs et à tout ce qui est autour de Radio Panique. Octobre 1983, 17h. J'arpente la chaussée de Acht à Schaarbeek, J'arrive à la hauteur de la rue Cornet-Degré. Un appel joyeux retentit. « Marcène, Marcène !» J'aperçois notre ami Carlos D'Amata courir à ma rencontre, un transistor sur l'épaule. « Ça marche, ça marche !» Je m'approche. Alors au-delà de seulement retracer l'histoire de Radio Panique, comme un avion sans aile, c'est aussi un documentaire passionnant sur le contexte socio-culturel, politique et institutionnel dans lequel les radios libres belges ont né et ont grandi. Et c'est une œuvre polyphonique à voix multiples, comme souvent dans les réalisations de Marcel. Et d'ailleurs, sa dernière grande production radiophonique, et là on revient au manifeste, se voulait tant dans sa forme que dans sa poétique comme un grand manifeste sonore. Libérer l'art radio. Libérer la radio, cette œuvre de plus de 2h30, assez démente dans sa construction, qui entremêle et qui imbrique l'histoire du jardin botanique, une enquête sur la disparition de la machine à bruit du futuriste Luigi Russolo, les dernières heures d'un homme de radio mis au placard, des citations choisies sur le son et la radio, et même un pastiche du conte de Cendrillon, où le personnage de la pauvre Souillon est remplacé par une petite radio libre, brimée par ses sœurs, ses grandes sœurs Publica Privata, et qui rêve d'être invitée, comme elle, au grand bal des ondes. Alors Marcel Auflaire, moi je voudrais également lui rendre un hommage personnel, parce que je figurais en 2002 parmi les preneurs de son aveugles du labyrinthe, et le module expérimental m'avait ouvert les oreilles qui avaient été un peu trop formatées par 3 années d'études. Et en rédigeant ces quelques mots que je vous partage ce soir, il m'a sauté aux yeux que Marcel, par élégance peut-être, avait un nom de famille qui commence par une lettre muette, un X silencieux, ou peut-être est-ce bien un signe de croix mis en sourdine chez lui qui, avant 68, était séminariste. Mais cela m'a surtout fait repenser à son silence bienveillant de grand timide, incapable de donner un conseil, mais seulement de la confiance, ce qui, vous le savez bien, est bien plus précieux. Marcel n'est plus de ce monde depuis janvier 2015 et je voudrais qu'on se souvienne qu'il a fait vivre de belles utopies, Radio Panique, la CSR et d'une certaine façon Saint-Aune qui lui doit beaucoup dans l'esprit. Et vous, quelle est votre utopie radiophonique ? Quelle est votre utopie radiophonique ? Libérez l'art radio. On pourrait s'imaginer des artistes radiophoniques à la tête d'une radio, qu'en pensez-vous ? Une radio faite d'art et d'artistes, résolue à inventer sans cesse une programmation unique. La radio peut-elle assumer sa propre utopie ? L'art radio remettrait en cause les façons de produire, d'écouter et de penser la radio. Remettrait en cause ses traditions actuelles, la fonction du média et son type de production. L'art radio deviendrait une espèce de révolution sonore, sociale et culturelle. Comme vous y allez ? Une radio qui ne serait plus au service des élites politiques, artistiques, musicales et économiques. Boris Chassaigne. L'art radio fait de la résistance, car il naît de la résistance. Camarades, c'est la lutte finale. Tous à vos casques. Et on revient doucement encore une fois ici au Cinéma Palace en direct sur Radio Panique. On remercie Étienne pour cette belle parenthèse. Et voilà, nous voici toujours avec Perrine Desanges et Katia Mori. Et voilà, on parlait tout à l'heure de ce qui va se passer avec la mise en place de la radio numérique terrestre. On a parlé de la possibilité de la FM comme un espace pour se communiquer au-delà. Mais maintenant, je voudrais vraiment qu'on rentre vraiment dans les sujets de la radio, du futur de la radio, du futur de la radio numérique terrestre. Perrine, est-ce que vous pourriez tirer les cartes pour voir un peu déjà si cette utopie sonore dont on a entendu quelques bribes pourra finalement se réaliser ? Est-ce qu'il y aura vraiment plus de pluralité d'expression, plus d'expérimentation par rapport à ce qui existe maintenant à la FM ? Vous avez tiré quelles cartes déjà ? Ici, la Maison Dieu et le MA. Donc là, c'est pas mal de nouveautés, de joie, de bonheur. Donc il y a énormément de changements très très positifs par rapport à un avenir au niveau de la radio. Alors là, je rentre un peu aussi dans un autre, quelque chose qu'on dit qui va se passer. On dit qu'avec moins d'ondes électromagnétiques, la radio numérique terrestre, soi-disant, sera mieux pour l'environnement. Est-ce que vous voyez ça aussi dans les cars ou pas? Oui, regardez, je tire le soleil. Il y a donc, le soleil. Oui, le soleil. Donc, il y aura des grandes améliorations et du changement très, très positif et une autre forme d'onde. Et je vous pose une autre question par rapport au corps dans l'écoute radiophonique. Parce que tout avant, on était habitué à chercher la fréquence, à bouger si, la, voilà, si notre corps faisait justement interférence. Maintenant que sera tout numérique et digitalisé, comment notre énergie corporelle interagira avec l'écoute radiophonique? Est-ce que vous pourrez voir quelque chose dans l'écart que vous avez tiré? Ce sera très différent, je pense que ce sera un autre mode d'expression et qu'effectivement, il ne faudra plus trop bouger le bouton et notre façon de bouger sera très différente aussi, je pense, par rapport à cette fonction-là. On pourra toujours danser écoutant la radio. Oui, bien sûr. Oui. Même danser mentalement, hein, tout simplement aussi. Et Katia, moi je voulais vous poser une autre question par rapport au fait qu'avec la mise en place de la radio digitale numérique terrestre, en fait, on aura encore plus de contenus multimédia. Donc, est-ce qu'il y aura encore des voix qui gardent leur mystère? Oui, pour moi, ce que je vois comme image, c'est-à-dire que ça sera une liberté. Soit des gens veulent qu'on voit leur image, il y en a qui ont été frustrés, donc je vois des gens qui seront très contents, je ressens ça. Et puis, il y a d'autres personnes qui tourneront le dos et auront la liberté de rester cachées, mystérieuses. Et quel défi aura, un des défis qui vous vient à l'esprit de la nouvelle radio qui arrive, la radio qui... Ouais. Je pense, ce que je ressens beaucoup, c'est des gens qui sont fort attachés au passé et qui ne veulent pas se modifier. Évoluer, mais en même temps, c'est la même chose sous une autre forme. Alors, maintenant, je voudrais vous poser des dernières questions, parce qu'on s'approche à la fin. Donc, vu que tout sera digitalisé et que les podcasts sont de plus en plus fréquents dans les panoramas radiophoniques, existera encore l'écoute accidentelle, l'écoute par hasard? Oui, non. Ok, oui, non. C'est très bien. Et la radio parlera plusieurs langues? Oui. Existeront des émoticônes vocales à la radio? Oui. Je ne sais pas, honnêtement. Les enfants écouteront la radio? Pour moi, oui. La preuve, il y a des enfants ce soir et les parents, les grands-parents, la famille vont les ramener à écouter une autre forme de radio. Mais oui, ils réécouteront. Et je pense même que l'enseignement passera par la radio plus tard. Donc l'enseignement passera par la radio. Oui. Ça, c'est super intéressant. Katia, vos ressentis? Moi, je ressens que pour les enfants, ça serait une radio interactive. Donc, je suis tout à fait d'accord avec Perline. Alors, je vous pose une dernière question. La radio sera homme, femme ou queer? Homme, femme, malheureusement, parce que les mentalités ne sont pas prêtes à changer. Et pourtant, il faudrait révolutionner et ça serait bien que le queer arrive vers la radio. Je ressens la même chose. Du classicisme, il faudra attendre 20 ou 30 ans pour modifier... et permettre les autres genres de s'imposer ou de s'épanouir à la radio. Donc peut-être la radio sera queer d'ici 20 ans. Oui, 20 ou 30. 20 ou 30 ans. Santon aura 40 ans. Quand Santon aura 40 ans, peut-être la radio sera queer. C'est ça, non? Oui, mais aux gens ici présents d'aller dans la révolution, peut-être une bonne révolution pour activer les choses, parce qu'on donne un chiffre, mais parfois on peut faire changer les choses. Est-ce que vous voyez de la révolution dans les futurs de la radio? Oui, des grandes révolutions, mais très positives et très pacifistes. Des révolutions pacifistes? Oui. Toujours ici en Belgique ou dans le monde? Où? Dans le monde. Dans le monde. Vous pensez quoi, Katia? Oui, je pense qu'il y aura un autre moyen de communication. On va peut-être rassembler l'image et le son, qui est fort divisé pour l'instant dans le cerveau humain. Donc, je pense que c'est une bonne chose. J'ai une dernière question par rapport à l'écoute. L'écoute du futur. Et je pose cette question aussi au public, si jamais envie de répondre. L'écoute du futur sera comment? Sera la télépathie? L'empathie? Sera quoi? Ce sera les deux. L'empathie et la télépathie, bien sûr. Est-ce que vous pourrez tirer un peu des cartes et voir ce qu'ils nous disent par rapport à l'écoute dans le futur? Et d'ailleurs, il y a une minute de plus, si quelqu'un du public veut poser une question à Perline et à Katia, c'est le moment. Alors oui, on a quelqu'un qui veut poser une question, je crois. C'est top. Oui, je viens moi-même du futur, donc j'aurais voulu que vous donniez quelques informations sur votre vision du vieillissement de la radio et donc de sa potentielle sénilité. Alors, qui se lance dans cette réponse ? Ben pour moi, je n'ai pas la même conception du vieillissement. Je pense que la vieillesse est une usure et on doit lutter contre l'usure. Et voilà, et restons jeunes dans nos têtes, dans nos cœurs et soyons dans le partage. On vieillira moins vite. Donc, ta vérité, c'est qu'on va vieillir moins vite. Et la radio aussi, je d'ailleurs. Je pense que oui, c'est une autre forme. C'est la transformation. Voilà. Et je suis pour aussi, je pense qu'on va accepter que l'humain a des capacités particulières. Je ne suis pas exceptionnelle, j'ai juste eu cette opportunité, en un certain sens, d'être médium, et je pense que tout le monde l'est. Et ça, dans mon livre, je trouve ça très important de le dire à tout le monde. Très bien. Bon, c'est quelque chose de plus qu'on sait, qu'on peut être médium tous et oui, toutes. J'en suis convaincue. Et vous avez une petite réponse aussi à donner? Je pense finir. Que la radio permet de rester jeune très longtemps. Et voilà. C'est un élixir. Un élixir. Ok, l'élixir du futur, c'est la radio. Donc écoutons encore plus des radios. Merci beaucoup encore à Perrine Desanges et à Katia Mori. Merci. Derrière cette émission, il y avait aussi l'idée que. Il y a beaucoup de manifestes qui ont été écrits au début de la radio, puis ça a parcouru son histoire, et qu'on pourrait peut-être ensemble en écrire un, mais peut-être différent, c'est-à-dire au lieu que ce soit juste quelques-uns, ce soit vraiment une multitude de gens, et peut-être au lieu d'affirmer des choses, plutôt continuer de questionner. Non ? Poser des questions. Et donc on vous invite à poser des questions avec nous. Il y a un micro qui est pendu en bas, vous approchez de nos micros. On avait une question de base, est-ce qu'un jour on pourra de nouveau fumer, par exemple, dans les studios ? Est-ce qu'il y aura de nouveau de la poussière dans les studios ? Est-ce qu'on pourra faire de la radio sous l'eau ? Est-ce qu'on pourra faire de la radio avec des animaux, par exemple ? Est-ce qu'on pourrait entendre et faire entendre nos voix antérieures et peut-être être tous et toutes médiums par les biais de l'FM et pas seulement ? Est-ce qu'on pourra toujours entendre des démissions de ministres à la radio ? Est-ce qu'on pourra faire de la radio pour une seule personne ? Est-ce qu'on pourra faire de la radio sur Mars, même s'il n'y a pas d'eau sur Mars ? Est-ce qu'on pourra faire de la radio en famille ? Est-ce qu'on pourra faire de la radio à 1000 ? C'est où ? Est-ce qu'on pourrait faire une émission de radio avec des poissons ? Est-ce qu'on pourrait refaire ce truc de labyrinthe ? Parce que j'ai pas vraiment compris ce que c'était en fait, ce truc de labyrinthe. Oui, on le refera. Est-ce qu'il pourrait y avoir plus que 3 chansons qui passent à la radio ? Est-ce qu'on pourra entendre encore des accents ? Des grincements, des voix qui stressent. Est-ce qu'on peut bégayer à la radio ? Est-ce qu'on pourra comprendre la radio dans toutes les langues à la fois ? Est-ce qu'on pourra faciliter la communication entre celui qui anime et la technique ? Parce que parfois, c'est compliqué. Est-ce qu'on pourra faire tourner le micro à la radio ? Est-ce qu'on peut se priver de technique à la radio ? Est-ce qu'on pourrait changer la voix d'homme à femme et femme à homme tout de suite, comme ça, comme ça ? Est-ce qu'on pourrait émettre directement, mais depuis sa tête ? Est-ce qu'on entendra la voix des avatars ? Est-ce qu'on pourrait faire du stretching à la radio ? Est-ce qu'on parlera avec des émoticônes ? Et du stop ? Est-ce qu'on aura toujours de la pub à la radio ? C'était une petite histoire du futur de la radio. Avec l'équipe de Saint-Aune, sa rédaction, ses créateurs, Étienne Noiseau. Et Gapote, Étienne Noiseau. Bravo. Ça s'appelle comment déjà cette machine qui... Le nécrophone. Le nécrophone. Et celle qui a remis au goût du jour le nécrophone, Juliette Vauclair. Et puis, il y avait l'équipe belge de Saint-Aune. Le docteur Guillaume Abgral. et Madame Anna Raimondo. À la transmission interstellaire, le roi du stream, Damien De Wolf. Et oui, la technique est indispensable, elle a un nom, Bastien Hidalgo Ruiz. Nous remercions à nouveau Perrine Desanges et Katia Maury Evrard. Et je peux improviser quelque chose, vraiment improviser. Oui, oui, oui. Je peux. Est-ce que tu peux? Est-ce que tu peux? Oui. Est-ce qu'on peut chanter bon anniversaire? Après les remerciements, on a pas... Après, j'ai pas fini les remerciements. Ah, pardon. On en a encore plein. Voilà, c'était une improvisation mal faite. Ça, c'est la radio aussi. Ça, hein. Est-ce qu'on peut s'interrompre à la radio? Oui, oui, oui. On a droit. À la musique psychédélique, Daphné Oram. Au dépoussiérage et à la compréhension de la technique du nécrophone, Philippe Baudouin. À l'invention du nécrophone, Thomas Edison. À la production, Camille et Carmelo. Qui distribuent des casques aussi. Un gros big up à la CSR. Carmelo Yannuzzo. Camille, je ne sais pas encore son nom, Camille. Et Clémentine. Donc, Bastien, on l'a cité. Et Clémentine. À l'imagerie, Clémentine aujourd'hui, pour avoir des traces visuelles. Au chant, Édouard Léon Scott de Martinville. À l'auto-louange, Gabriel Germinet. Au micro-volant, Thibaut Kuckelbergs. Et à l'audio-description, Sarah Segura. Et au public... Les publics. Vous, quoi, bien sûr, j'imagine. Merci. Bravo. Est-ce qu'on pourrait faire une radio qui est des crédits, comme ça? Des heures et des heures à faire des noms et les gens applaudissent. C'est magnifique. Oui, c'est magnifique. Bravo. Est-ce qu'on pourrait faire du direct tout le temps? Ça me plaît. C'était comme ça avant, c'était comme ça. On fume pas des cigarettes, mais on imagine de fumer des cigarettes dans des studios avec plein de poussières, avec vous présents. On fait la radio avec vous et on chante. Et des animaux. On peut chanter. Allez, chante, vas-y. Allez, chante. Tu veux chanter? Non, mais pas moi. Les publics. Ah oui, je sais pas. Moi, c'est quand même en fête d'anniversaire. Moi, oui, mais je fais partie de l'association anti-bougie. Donc, Tanti auguri a te. Bon anniversaire. Comment c'est la chanson en français? Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Radio Panique. Joyeux anniversaire. Non. Non. Bon anniversaire. Non, pas joyeux, pas anniversaire. Non. C'était pas mal leur truc là, en la radio. J'ai pas tout compris, mais c'était pas inintéressant quoi. C'était j'ai bien aimé les voyantes là. C'était intéressant ce que ça raconte. Et pas tout bien entendu non plus, parce que je crois qu'ils ont... Je sais pas quel casque ils ont loué là, parce que j'entendais pas bien dans mon casque à certains moments. Voilà, je vais y aller moi. Hein. C'est quoi cette idée aussi de faire de la radio dans un cinéma là? Alors, il faut pousser. Voilà. Ah. Il paraît qu'il y a quelque chose qui se passe encore à la baie. Là. Alors on y va. On y va. Ouh, il pleut. Ah bah oui, voilà. Ça, il pleut. Il fait pas beau. Il fait pas beau ce soir à Bruxelles. Évidemment, comme tout est en travaux, on ne peut pas traverser là, le piétonnier. Obligé de contourner. Hein. Voilà. Et lumière, lumière de Noël. Des gens mitouflés. Des écharpes qui volent dans le vent. Les bonnets qui tombent sur les yeux des gens. Et voilà, on arrive à la baie. Bon, ben... on va voir ce qui se passe ici à la baie, hein.